Alors voici les résultats d'Igor. Vous voyez sur le bulletin, là? J'ai entouré sa moyenne en français, en maths et en histoire-géo. Vous savez, ce sont les trois matières qu'il va passer au brevet. Donc, ce sont les trois matières qui comptent le plus. Oui. Ah ben, je vois que c'est très moyen en français et aussi en histoire-géo. Oui, il va falloir qu'il s'améliore en français, parce qu'il a à peine la moyenne. En histoire-géo, ça pourrait être mieux. Mais en maths, c'est bon. Votre enfant veut passer en seconde générale, donc il faut qu'il s'améliore en français et aussi en histoire-géo. Quand votre fils ira au rendez-vous avec la conseillère d'orientation le mois prochain, je vous conseille d'y aller avec lui. Si les résultats n'augmentent pas, les professeurs du conseil d'orientation pourraient donner un avis défavorable. Mais il ne faut pas se décourager. Il a encore tout un trimestre pour améliorer ses résultats. Oui, oui. Je vais surveiller qu'il travaille plus. Je voulais savoir aussi, est-ce que mon fils pourra aller dans un autre lycée que le lycée La Fontaine? Vous ne souhaitez pas qu'il aille au lycée de secteur? Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait possible qu'il aille plutôt à Victor Hugo? Son père et moi, on préférerait qu'il aille dans ce lycée. Et puis, Igor voudrait prendre le japonais comme langue. À Victor Hugo, c'est possible, mais pas à La Fontaine. Oui. Alors, si Igor veut aller au lycée Victor Hugo pour faire du japonais, il faut vraiment qu'il augmente ses notes en français. Et peut-être qu'il aura une chance d'être accepté là-bas. Sinon, il ira au lycée de secteur. Oui, oui, d'accord. J'ai bien compris. Donc, pour l'inscription au lycée Victor Hugo, il faudra retirer un dossier, le compléter et expliquer pourquoi l'enfant est intéressé par le japonais. Ensuite, il faut donner ce dossier au professeur de langue d'Igor. Ah, oui. Donc, le professeur d'anglais pour la langue vivante 1 et le professeur d'espagnol pour la langue vivante 2. C'est ça. Et enfin, puisque je suis le professeur principal, il faut m'apporter le dossier rempli avant la date butoir. D'accord? Oui. Mais c'est quoi la date butoir? Ah oui. C'est le dernier jour pour rendre le dossier. Il ne faut pas dépasser cette date. C'est le dernier délai. Ah, d'accord. Et c'est quand la date butoir? Je sais pas encore. Ce sera au mois de juin. Je vous dirai. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Et bon courage.